Véronique Langlais, auteure, publicitaire. Je trouve que la scène littéraire de Québec, elle prend sa place. C'est une scène littéraire qui ressemble à rien que j'ai vu auparavant. La littérature, en fait, les auteurs émergents ont autant leur place que les auteurs qui sont les grands auteurs, si on veut. Donc, j'ai l'impression que la scène littéraire de Québec, c'est une scène qui est vivante, en mouvement. Le Festival Québec en toutes lettres, Écrire Québec, du 21 au 29 octobre. Question de vous aider à faire votre choix lors des élections municipales 2017 à Québec, monlimoilou.com et CKRL vous convient à un échange-débat opposant les candidats et candidates des districts Vieux-Limoilou et Mézeray-Lairet le lundi 23 octobre 19h au Centre communautaire Jean-Guy Drolet, 16 rue Royale-Roussillon. Les formations Démocratie Québec, Équipe Labaume et Option Capitale Nationale seront sur place pour échanger autour d'enjeux d'importance liés à l'aménagement urbain, la vie de quartier, l'environnement, l'économie ou encore les transports. Vous ne pouvez être sur place? Ne manquez pas la rediffusion du débat sur CKRL le mercredi 25 octobre, 10h. Ce soir, à l'aérospatiale, Joséphine Biot en résidence à la Maison des métiers d'art de Québec, une classe de maître de la céramiste Marie Catrinaire et une rencontre avec Evelyne Boulevard. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'aérospatiale, votre rendez-vous hebdomadaire en art visuel à Québec sur les ondes de CKRL 89.1. Audrey Caro en votre compagnie en ce 17 octobre 2017. Très heureuse d'être une fois parmi vous pour vous parler d'art visuel dans la belle ville de Québec. Et ce soir, on doit dire, on a une émission toute en rencontre et une émission, une première partie d'émission, dois-je dire, toute en métier d'art aussi, car j'aurai le plaisir d'accueillir Lauriane Thibaudeau en chronique qui nous a proposé cette semaine deux rencontres. Donc, nous avons deux artistes en studio avec nous qui l'accompagne et elle voulait discuter de la pratique artistique de Joséphine Viau qui est présentement en résidence à la Maison des métiers d'art de Québec et ce jusqu'au 3 novembre. Et on va discuter donc de son parcours mais aussi de ce qu'elle nous prépare, de ce qu'elle prépare plutôt en résidence actuellement. Mais également, Lauriane voulait nous présenter aussi le travail de Marie Catrinaire qui donne cette semaine une classe de maître toujours à la Maison des métiers d'art de Québec. Donc, on va avoir l'occasion de découvrir un peu son travail également aussi. Et en deuxième moitié d'émission, j'aurai le plaisir de discuter avec l'artiste Evelyne Boulevard de Québec qui présente actuellement en paysage à la galerie Lacerte Art Contemporain. Je suis allée voir cette exposition cette fin de semaine et vraiment, j'ai très, très hâte de vous en parler et de discuter avec elle de ce nouveau corpus qu'elle a réalisé, une exposition qui va être à voir. Bien sûr. Et on va terminer, bien, comme d'habitude, avec l'agenda de la semaine et j'aurai aussi le plaisir de vous, dans le fond, parler également d'un livre d'artiste qui va être publié par Isabelle Demers. On va avoir une petite rencontre justement cette semaine. Je vous en donne plus de détails. Alors, on s'en va en pause audio. Toujours une sélection de Simon Roy cette semaine. Il nous présente un artiste qui nous vient d'Asie. Ikmir, c'est l'album City et le premier titre que nous allons écouter s'appelle Night Cruising. Mmh. entame cette émission en compagnie de Lauriane Thibodeau. Bonsoir, Lauriane. Bonsoir. Ça va bien, hein? Oui, ça va bien. Alors, tu m'as fait une proposition, hein, pour ce soir. Tu avais envie de parler ce qui se passait présentement à la Maison des métiers d'art de Québec. Il y a beaucoup de mouvements, résidences, classes de maîtres et d'autres aussi ateliers que tu voudrais nous parler à la fin de ta chronique. Mais donc, tu avais envie de nous présenter deux artistes, Joséphine Villot et Marit Catrinaire. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Lauriane, je laisse nous parler. Justement, tu voulais les questionner par rapport à leur présence ici à Québec. Je te laisse aller. Merci. Eh bien, ce soir, donc, on a la chance d'avoir sous notre toit deux artistes céramistes françaises qui sont de passage. Ce qui est intéressant avec leurs travaux respectifs, c'est qu'elles travaillent de la céramique d'une façon très différente chacune, mais quand même dans un esprit d'affiliation, notamment à cause de leur parcours académique. Donc, toutes les deux ont en commun, évidemment, d'habiter la France et d'être en séjour ici au Québec. Elles ont fait toutes deux, à des années différentes, là, leurs études à l'Institut européen des arts céramiques à Guebwiller en Alsace. Puis, je crois que dans les deux cas, c'est votre premier séjour ici au Québec. Oui, exact. Voilà. Donc, c'est quand même, je trouvais ça surprenant et intéressant de mettre en lumière deux artistes qui ont le même médium, le même parcours académique ou presque, qui sont à des moments différents de leur parcours professionnel, mais quand même qui se rencontrent ici sous le même toit, dans notre petite école qui est la Maison des métiers d'art quand même. Joséphine Villot, si on peut commencer avec son travail, présentement est en résidence ici à la Maison des métiers d'art de Québec. C'est grâce à un partenariat qu'entretiennent en fait l'IEAC et la MMAQ, la Maison des métiers d'art de Québec, que Joséphine est ici. C'est ta première résidence artistique. Oui, absolument. Ouais. Comment se passe l'accueil donc? Très bon. Ouais. Les gens sont très accueillants, hyper intéressés. C'est agréable de voir que tous les étudiants, même les personnes de l'administration, enfin, tout le monde est intéressé par mon travail et par ma personne. Enfin, mm-hmm. C'est agréable. Content, tout le monde est content de te recevoir, bien entendu. Ouais. Tu es à peu près aux deux tiers de ta résidence. Donc, c'est le dernier sprint qui s'entame. Pour faire un petit topo sur ton parcours, tu me diras si je me trompe. Donc, Joséphine, en fait, a fait des études en architecture et ensuite en design de produits. Ce qui l'a amené tout doucement à finalement s'intéresser à l'objet fait main plus qu'à l'objet de série, l'objet plutôt industriel. En personnel. Oui, c'est ça. Puis c'est ce qui t'a, en fait, décidé à t'inscrire à l'IEAC. Oui, c'est ça. C'était vraiment l'idée qu'une personne fait des objets utiles qu'on utilise, mais c'est une personne qui les fait, c'est plus une machine. Mm-hmm. Voilà. Puis, l'IEAC, c'est une formation, puis Marit aussi pourra compléter, mais c'est une formation très intensive. Il s'agit d'un an, donc de janvier à décembre, d'une formation environ 40 heures semaine. Oui, exactement. Ouais. C'est vraiment une année très, très dense parce que la première partie, on suit des cours avec des professeurs qui viennent régulièrement. Entre autres, il y a des intervenants qui viennent juste une semaine. Après, on a un stage à faire l'été et puis réfléchir à un projet personnel qu'on doit aboutir dans les derniers 6 mois, enfin 5 mois. Donc, c'est vraiment très, très intense. Ouais. Oui, c'est ça. Un an pour faire tout ça. Nous, ici, la formule scolaire fait que les études sont plutôt sur 3 ans, avec évidemment un cursus de cours généraux au travers. Mais ce qui est particulier, donc, à l'IEAC, l'Institut européen des arts céramiques, c'est ce fameux stage d'été. Donc, les étudiants sont amenés tout de suite après 6 mois à choisir, à faire des démarches auprès d'artistes professionnels pour aller dans leurs ateliers puis continuer à apprendre, évidemment, à voir quel est le milieu, tout ça. Fait que c'est une formation très différente, très riche. Donc voilà pour un petit peu le parcours scolaire des deux. Joséphine, tu m'as mentionné que c'est justement l'objet utilitaire donc qui t'a parlé, sur lequel tu as travaillé beaucoup durant tes études, même pour ton projet final. Ton projet de résidence consistait en quoi? Alors, c'était un peu la continuité avec mon projet de fin d'études. Du coup, c'était des objets du quotidien, enfin utilitaires, dans lesquels j'insufflais beaucoup de personnalité. Pour mon projet de fin d'études, j'avais fait des familles de vaisselle avec des caractères. Et là, c'était pareil, j'avais envie de faire des objets du domaine domestique, enfin qui entre dans nos maisons, mais qui soit, qui ait sa personnalité, qui ait son petit monde à lui. Oui, il y a un côté brut dans ton travail, de la matière. Mm. On sent vraiment le travail fait main. Même certaines séries, on voit que les objets ne sont pas tout droits, justement. Il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, justement, dans cette personnalité que tu leur insuffles. Mm. Ben c'est que je trouve que, justement, l'intérêt que ce soit fait par une personne, c'est que l'objet n'est pas parfait. Et c'est dans les imperfections qu'on lui donne son caractère. Et en fait, par son imperfection, on s'approprie à l'objet. Enfin, il nous plaît ou pas, et on s'attache à lui. Donc c'était ça, c'était cet attachement qui m'intéresse. Puis ce qui est vraiment particulier quand on voit ton... Parce que j'ai la chance de voir ton travail de recherche présentement en résidence à la MMAQ, c'est qu'on n'est pas du tout dans l'objet dit utilitaire. On est plutôt dans des formats plus imposant qu'un bol qui entrerait dans les mains. Donc, il s'agit de sculptures qui ont cette contenance-là potentielle, mais qui n'est pas premier, qui n'est pas pris au sens premier. Donc, vraisemblablement, tu t'es éclaté ou tu es en train de rechercher autre chose, bien entendu, que l'objet de petit format, disons. J'avais envie, par le temps et l'espace qu'on me donnait ici, de faire des plus grosses pièces, d'aller plus loin dans ça. Et en fait, ce qui me porte dans les projets à chaque fois, c'est l'idée que l'objet, il a de la place. Enfin, il prend une place, il a un poids, il est présent. Et c'est déjà ce que j'avais donné. C'est ce avec quoi je jouais dans la vaisselle que j'avais faite, justement, parce qu'il y en avait qui étaient très légères et qui avaient une forte présence, mais qui pesaient rien. Ou l'inverse. Et là, c'est vraiment la place que prend l'objet qui m'intéresse. Ouais. C'est intéressant, Audrey, que tu aies remarqué dans le travail de Joséphine, justement, cet aspect brut, ou disons ce fini, plus brut que ce qu'on a l'habitude de percevoir en poterie ici. Ça, c'est une chose que je remarque beaucoup, beaucoup dans la céramique, dans les objets céramiques au sens large en France, donc que ce soit poterie, sculpture, il y a vraiment une présence ou disons, une affirmation de la matière qui est là. Mm-hmm. Oui. Alors que vous me direz ce que vous en pensez, vous deux, mais... En Amérique, on a plutôt tendance à percevoir l'argile comme étant la matière potentielle pour donner la forme et ensuite venir intervenir avec un décor. Et ça génère quelque chose de très différent qui n'est pas inintéressant. On a une force justement dans ces décors-là, mais justement en France, c'est beaucoup plus proche de la matière argile. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Percevez-vous? Ouais, je pense qu'il y a. Il y a un côté aussi un peu plus sauvage parfois dans ce qu'on peut voir en France, dans les recherches. Ouais. Ouais, quelque chose de beaucoup plus, en tout cas, qui est plus instinctif ou qui laisse place à cet instinct-là. Moi, je trouve que c'est une des richesses. Là. C'est vraiment un grand contraste. Donc, on pourrait poursuivre justement avec, vous entendez la voix de Marit Catrinaire, qui est présentement, donc cette semaine, qui offre en fait la classe de maître, qui s'appelle Paysage intérieur. Marit Catrinaire a eu la chance, j'oserais dire, de toucher l'argile assez rapidement, donc à 17 ans, c'est ce qu'elle me partageait. Elle a ensuite poursuivi ses études, évidemment, fait ses études académiques, à l'IEAC. Quel est le pont que tu ferais entre ton travail, justement, à la fin de ces études-là, puis celui que tu fais maintenant? Quel genre d'évolution s'est faite? Parce qu'il y a aussi cette notion de contenance qui était présente, et les techniques qui vont avec, puis maintenant le travail que tu fais. En fait, le moment où ça basculait vraiment, c'était à l'IEAC. Ça fait maintenant déjà, c'était en 2004, où je me suis vraiment lancée dans des objets, dans des pièces plus artistiques, parce que jusqu'à ce moment-là, je travaillais vraiment l'utilitaire, les formes des assiettes, des bols, tout ce qu'on peut utiliser. Et c'est là-bas donc j'ai commencé à faire des formes de la sculpture, en fait. De chercher autre chose. C'est intéressant de le savoir, parce que moi, je ne connaissais pas ton travail, et quand j'ai préparé aussi cette rencontre-là, c'est ce qui m'a frappé tout de suite en regardant tes pièces. J'ai dit, mais mon Dieu, on est vraiment à la frontière des métiers d'art et des arts visuels. On est beaucoup plus proche de la sculpture. Vraiment, on n'est plus du tout dans l'objet d'usage quotidien, vraiment. Puis il y a tout un imaginaire, je trouve, qui est évoqué au travers de tes pièces, qui laisse planer, en tout cas, toutes sortes d'étrangetés vraiment fascinantes, je trouve, dans ton travail. Oui, toutes sortes de possibilités. On sent la richesse de l'argile, justement, encore une fois, est assumée vraiment en tant que matière et couleur et texture intégrée. Puis les notions de paysage aussi qui sont assez flagrantes. Du moins, c'est parfois même anatomique, on a l'impression qu'il y a des formes qui s'enlacent, qui sont justement la rencontre de possibles parties de corps schématisées, bien entendu. Mais... Il y a vraiment cette recherche de corps et puis aussi de nature. Il y a à la fois la nature dans la montagne qui est importante parce que j'ai grandi vraiment dans les Alpes, j'ai beaucoup grimpé dans des aspects aussi de matière. Mais il y a le corps... et la rencontre des corps, il y a vraiment l'amour quelque part, parce que j'ai aussi eu récemment deux enfants, et puis ça aussi, ça transforme moi, et ça transforme ma sculpture. J'aime bien. Moi, je trouve que le paysage aussi se sent dans la matérialité, aussi la présence très, très forte de la matérialité de ces pièces-là également. On dirait qu'on sent des éléments de la nature être là, qu'on on a envie de les toucher finalement, ces sculptures-là. Une proximité. Oui. Ben, c'est intéressant, justement. On n'a pas eu l'occasion de s'en parler, Audrey, avant la rencontre, mais t'as bien vu le lien que je souhaitais faire. Donc, cette jonction, cette arrêt toute fine entre ce qu'on pourrait définir comme métier d'art, nous ici, ce qu'on pourrait aussi définir comme art visuel, donc deux définitions dont on peut débattre évidemment très très longtemps, mais il y a Marit avec qui je parlais aujourd'hui qui mentionnait que le terme sculpture en France est très vaste, alors qu'ici elle semblait percevoir que c'était plus précis, hein? Je trouvais ça intéressant, Ouais, parce que vous, dans l'école, vous avez tendance à dire que, à part les sculptures, c'est le bois, le métal. Peut-être dans cette idée d'enlever de la matière, sculpter. Mm-hmm. Et puis, de manière plus traditionnelle, on dirait, de voir la sculpture. Ouais. Et pour moi, c'est important que c'est clair maintenant. C'est de la sculpture, c'est de l'art, c'est. Point. C'est de la recherche dans la matière. L'argile étant évidemment une matière avec laquelle on peut supprimer, mais avec qui on peut aussi ajouter, une matière vaste. J'avais une question pour vous, en fait. Moi, personnellement, en tant que... Bon, évidemment, je suis céramiste, pour ceux, les auditeurs qui ne le savaient pas encore, c'est ça mon affiliation avec leurs travaux respectifs. En tant que céramiste, je remarque ici au Québec une présence accrue de la céramique, du médium céramique, dans ce fameux milieu des arts visuels au sens très large. Puis je dirais que je l'observe depuis environ 5-6 ans, vraiment un intérêt marqué, une présence dans les revues, dans les galeries, dans les musées. Donc, toutes sortes d'artistes qui s'intéressent à ce médium-là et qui l'intègrent dans leur pratique, souvent des artistes multidisciplinaires, pluridisciplinaires. Est-ce qu'en France, on sent aussi cette envie des artistes pour le médium argile céramique? Oui, clairement, c'est sûr. Ça a complètement disparu dans plein d'écoles dans les années 60, après les années 70, 80. Et maintenant, il y a un fort intérêt de plein d'artistes au retour des matières quelque part nobles, je pense. Puis donc, ça viendrait d'où cet intérêt, puisque c'est plus une matière, comme ici dans les universités d'ailleurs, dans la plupart des universités, les fours sont plus en fonction, tout ça, donc c'est plus une matière accessible. Mais vous expliqueriez comment ce renouveau de la céramique dans la scène des arts visuels en France, ça viendrait... J'ai l'impression que la visibilité qu'il y a petit à petit donne l'envie à plein de personnes d'y s'y frotter. Donc, j'ai l'impression que c'est plus ça. On le voit, donc on a l'idée d'en faire. Enfin, non, j'ai moins de recul, disons, sur ce qui s'est fait avant, sur la petite disparition qu'il y a eu. Mais dans ma génération, en tout cas, je vois énormément de personnes qui commencent la céramique. Et voilà. Mais dans de diverses approches différentes. Mmh. Ouais. Mais je voulais juste souligner ici à Québec, moi aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, ce regain d'intérêt pour le médium qui est la céramique, l'argile, et peut-être est-ce que c'est par le plaisir de retourner à la matière aussi, parce qu'on a eu beaucoup d'approches conceptuelles, si on pense dans les années 90 ou ces choses-là, il y a peut-être un désir de retourner, mais de travailler le médium différemment, parce que c'est vrai, il faut dire, la céramique, puis... Ça ne veut pas être péjoratif ici, mais quand même, dans l'intérêt, dans plus largement, est perçu comme fonctionnel, bien utilitaire, entendu. Beaucoup. Et on dirait qu'il y a un désir aussi de l'explorer, de jouer avec la matière, de l'amener justement à flirter avec ce rapport à l'utilitaire, mais versus l'objet davantage artistique. Je pense qu'il y a... D'expression artistique, oui, effectivement. Donc, il y a peut-être cette volonté de pousser dans de nouvelles directions la matière en soi. Mm-hmm. Ben pour sûr, moi, ça fait plusieurs années que je donne des cours de loisirs, donc auprès du grand public, mm-hmm. pas nécessairement qui souhaite devenir créateur, artiste, là, mais il y a vraiment un désir profond de travailler la matière, donc le concret. Puis moi, je crois, en tout cas, depuis 5-6 ans que j'observe ça sur la scène des arts visuels, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus d'artistes, en effet, comme Joséphine le mentionnait, ont la chance de voir des résultats formels possibles avec la céramique, puis à ce moment-là, ils ont envie d'essayer. Puis aussitôt qu'on touche l'argile, c'est l'équivalent de la pâte à modeler de notre enfance. Hein. C'est très, très, très instinctif. Ça peut être très léché, comme ça peut être très brut. Mmh. Fait qu'il y a un plaisir là, de travailler sans outils, sans aucune intervention autre que les mains, donc directement dans la matière. Mmh. Je trouve ça fun de remarquer. Que... Ouais. Et c'est une matière qui est gentille quelque part, parce que il y a d'autres matières où on peut... Enfin, la céramique, on peut toujours la recommencer. Il y a une pièce qui rate, on la remet dans l'eau, et puis on recycle, et puis on recommence. Ce qui n'est pas le cas avec d'autres matériaux, je pense. Pardon. En fait, ce que je trouvais aussi, c'était que la céramique, c'est hyper personnel. Dès qu'on y touche, on y met sa personnalité même. Enfin, je ne sais pas si c'est parce qu'on peut le faire directement avec les mains, mais contrairement au bois ou au métal, mais deux personnes, même si on ne veut pas trop en dire, il y aura forcément beaucoup de nous dans ce qu'on y met. Et du coup, c'est très révélateur. Et... C'est une notion de mémoire, en fait. Mm. Ouais. Comme une continuité vraiment sensorielle de nous, donc j'aime ça peut être séduisant. Oui, vraiment, j'avais pas pensé à ça, mais l'aspect mémoire est, mm-hmm. ouais, est très, très, très intéressant à développer dans cet esprit-là. Oui, ouais, l'empreinte reste tout de suite, donc ouais, chaque empreinte est personnelle, en effet, ouais, c'est sûr. Mm. Ben, je me permets d'introduire le fait que c'est méconnu, mais à la Maison des métiers d'art, les artistes peuvent déposer des dossiers pour être résident, pour faire une résidence, mm-hmm. que ce soit en céramique, que ce soit en textile, en construction textile ou en sculpture. Donc, la Maison des métiers d'art accueille des artistes à chaque année, à chaque session. Pour avoir les détails, il s'agit d'aller sur le site web de la Maison des métiers d'art. Vous aurez tous les détails. Il faut évacuer l'idée qu'il faut absolument être un artiste ou un artisan en métier d'art. L'ouverture est beaucoup plus grande que ça. Il s'agit d'avoir une autonomie relative pour pouvoir appliquer et être sélectionné. Tout ça, c'est vraiment intéressant. Je vous invite à aller voir... sur le site web. Puis pour ce qui est des perfectionnements aussi, les classes de maître, c'est aussi méconnu. La possibilité pour les artistes de venir apprendre ou de venir peaufiner certaines techniques sont vraiment très intéressantes, encore là, dans les trois disciplines. Puis, dépendamment des budgets, bon, il y a certains critères. Parfois, il faut être artisan métier d'art, oui, mais pas toujours. Donc, je vous invite à aller voir les détails à ce sujet-là, pour sûr. Je pense qu'on pourrait parler de l'événement que tu organises très bientôt, Joséphine, pour clore ta résidence. Oui. En fait, j'avais envie de pour remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont soutenue. Et je vais organiser un petit 5 à 7 à la microbrasserie Noctem, rue de Parvis, à Québec. Et voilà, c'est le 27 octobre de 5 à 7, du coup... Donc, je présenterai des pièces de recherche, mais aussi des pièces abouties qui seront en vente. Et voilà, donc j'espère qu'il y aura du monde. Ben, je vous invite chaleureusement à venir parce que, comme je mentionnais à Joséphine, c'est assez rare que les artistes en résidence organisent une présentation comme ça, surtout hors les murs de la Maison des métiers d'art. Donc, je t'invite à venir chaleureusement. Tu auras aussi une petite exposition en vitrine, je crois. Oui, sur la vitrine de matériel à la galerie en bas de l'école. Voilà, sur peut-être plusieurs semaines. Donc, les pièces vont rester là un petit peu à la vue de tous. Parfait. Pendant un petit temps. Et puis, peut-être souligner aux auditeurs aussi, tu m'avais fait parvenir quelques photos de la résidence de Joséphine. Oui. Un petit aperçu. Eh bien, je les ai mises sur notre page Facebook. Alors, vous pouvez aller consulter, voir un peu plus le travail qu'elle a réalisé actuellement à la Maison des métiers d'art. Eh bien, Lauriane, est-ce que tu avais autre chose à nous souligner ou je pense que... Je pense que ça fait le tour. Ça fait bien le tour. Oui, je vous invite à aller sur ma page aussi. Ou sinon, je vais transférer, tiens, sur la page de l'aérospatiale, les coordonnées, en fait, des sites web de Marie de Catrinaire et de Joséphine Villot. Donc, ce que vous pouvez voir sur le web pour voir leurs détails. Excellent. Bien, Lauriane, je te remercie beaucoup de nous avoir présenté le travail de ces artistes. Et merci beaucoup à vous, mesdames, d'avoir participé à l'émission. Alors, on va s'en aller en pause publicitaire et on vous revient pour la deuxième moitié d'émission avec Evelyne Boulevard. Soyons francs, un petit homme de rien, un peu généreux, mais absent la plupart du temps. Je suis tendu comme une barre et mes dents s'usent la nuit comme le jour. Je voudrais me déposer la tête de Jonathan Arnois. Mise en scène d'Olivier Normand au Théâtre du Conservatoire du 15 au 21 octobre à 19h30, matinée le 21 à 14h. Adulte 10$, étudiant 5$. Réservation au 418-643-9833. Je ne sais plus pour combien de temps encore. J'ai décidé d'écrire dans ma vie pour me sortir du quotidien. C'était pour moi une façon de me rebeller face aux obligations de la vie. Écrire Québec. S'il existe une œuvre qui est le miroir parfait selon moi d'écrire Québec, c'est Les Ploufs de Roger Lemelin. Et oui, il y a la ville de Québec, mais il y a quelque chose de plus grand que ça qui est profondément identitaire selon moi dans cette œuvre-là. Erika Soucy, écrivaine. Je viens tout juste de publier aux éditions de l'Hexagone le recueil de poésie Priscilla en hologramme, qui est un recueil de poésie qui célèbre la figure maternelle, qui célèbre ma mère à travers le personnage de Priscilla Presley. Le Festival Québec en toutes lettres, Écrire Québec, du 21 au 29 octobre. J'avais besoin de m'évader et pour moi, la poésie était un art libre. Bienvenue à l'aérospatiale sur les ondes de CKRF. Vous êtes toujours en compagnie de Audrey Caro et j'ai le plaisir d'accueillir en studio Evelyne Boulevard. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Audrey. Alors, tu présentes actuellement cette exposition en paysage qui a cours à la galerie La Certe et c'est un projet, somme toute, assez récent, mais qui a des prémices qui ont commencé, si on peut dire, au symposium, je pense, d'art contemporain de Baie-Saint-Paul il y a 2 ans, c'est ça? Un ou an. Un an et quelques mois. Et quelques mois, c'est bon. Donc, c'est parti de ça. Explique-nous un petit peu, parce que ton travail, moi, je l'ai toujours trouvé très, très intéressant. Il y a déjà là le comment tu travailles aussi. Je pense que tu es partie de photographie pour cette série-là, notamment, donc de photographie de paysages de la Côte de Beaupré en particulier. Hein. Oui, bien, toute la région de la Côte de Beaupré a été vraiment le sujet de la recherche. En fait, cette recherche-là a été initiée au printemps 2016 avec l'envie d'observer un peu la région de la capitale nationale d'où je viens. J'ai beaucoup travaillé sur des sites à l'étranger ou sur la côte nord. Donc là, j'ai eu envie de visiter un peu ma région natale puis voir comment je pourrais l'interpréter ou la traduire du côté des arts visuels, ce que j'en retiendrai. Donc, déjà, il y avait pour moi le défi de la lire autrement que dans le cadre du quotidien pour me déstabiliser un peu, peut-être. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé par faire un tour d'avion, en fait, au-dessus de la ville pour percevoir la géographie, en fait, de l'ensemble de la région, de la voie des airs, pour avoir une perspective peut-être plus globale sur le site. Oui, puis une perspective qu'on a rarement l'occasion d'avoir aussi. Exactement. Donc, puis la géographie de la côte de Beaupré, tout particulièrement, est quand même très belle entre le fleuve et les montagnes qui tranquillement prennent place sur la vallée du Saint-Laurent. Donc, c'est quand même assez impressionnant comme site. Donc, je suis partie de ces photographies-là pour une première série de dessins. Donc, un dessin qui a vraiment initié la série au Symposium de Baie-Saint-Paul au mois d'août 2016, qui présente en fait une portion du boulevard, le pont qui nous mène vers l'île d'Orléans, donc qui couvre quand même un large panorama. Mm-hmm. Oui, la chute Montmorency, oui, tout à fait, qu'on voit des airs. Donc, ça a été le début du travail. Et par le biais du symposium, en fait, j'ai commencé à circuler sur une base très régulière sur le boulevard, que je connaissais déjà, évidemment, mais là, c'est avec une fréquence peut-être inédite. Donc, à travers ces allers-retours-là, à travers le point de vue sur la ville, point de vue aérien, j'ai construit tranquillement cette série de dessins là, grand et petit format. Oui. Et dans ce tour de territoire, qu'est-ce qui a retenu ton attention plus particulièrement sur le paysage que tu croisais? Parce qu'il faut le dire aux gens, principalement ton travail s'intéresse au territoire, au paysage plus largement, mais qu'est-ce qui a retenu ton attention dans tes déplacements? Mais je pense que la présence emblématique du fleuve, on peut pas la nier. Ce fleuve-là qui est majestueux, qui est aussi un liant pour tous les différents secteurs de la ville. Donc, le fleuve est devenu un axe central un peu du travail, mais aussi le fleuve dont les berges sont occupées à la fois par des milieux urbains, des milieux qui sont encore agricoles, mais aussi des sites industriels. Mm-hmm. Donc, c'est cette cohabitation-là dans un territoire somme toute restreint qui est devenu un point d'intérêt, un point focal pour la réflexion, je dirais. Oui. Parce que je pense que c'est un peu... En tout cas, moi... À ma lecture de ma visite de cette exposition-là, il y a quelque chose de quand même assez aberrant qui ressort des œuvres qu'on voit là. Oui, ça nous montre ce côté-là où nature et culture humaine, dans le fond, l'humain a une empreinte vraiment très forte, autant que ce soit par les infrastructures autoroutières, les industries, le développement résidentiel aussi. Ah, c'est quand même, il faut le rappeler aux auditeurs, on targue de dire que la Côte de Beaupré est le berceau de l'Amérique, mais enfin... Visiblement, c'est drôlement développé, si on peut dire. Oui, et pour la séquence de petits dessins, probablement celle à laquelle tu fais référence, c'est ce boulevard-là, le boulevard de Beaupré, en fait, le boulevard Sainte-Anne, oui. Plus précisément, qui est vraiment le sujet de la séquence. Et je pense que c'est cet aspect hétéroclite qui semble désorganisé aussi, qui m'a happé à force de le traverser. Sa longueur aussi, les rythmes qu'on y retrouve. Et je parlais du fleuve comme élément focal qui a attiré mon attention au niveau aérien. depuis ce boulevard qui le longe pourtant, c'est sa quasi-absence. Il y a évidemment quelques points de vue qui sont très beaux, mais somme toute, on en a une perspective assez mince au final. Donc, mon regard s'est alors arrêté davantage sur ce que tu as énuméré, des petites industries, les développements domiciliaires qui sont aussi parfois surprenants, hétéroclites, encore une fois. Très hétéroclites, devrais-je dire. On est à la fois dans le... Bon, on peut avoir une maison, un commerce, une maison, une tour à condo, exactement. un parc de maisons mobiles, un camping. Oui, je pense que hétéroclite est vraiment le terme exact, mais aussi il y a notamment ce qui a retenu mon attention aussi dans cette petite série-là, c'est Place Sainte-Anne. Pas Place, mais Promenade Sainte-Anne, oui. L'ancien Promenade Sainte-Anne, parce que moi, ça a marqué ma jeunesse, parce que le boulevard, je l'ai fait très souvent, étant J'imagine. Jeune, parce qu'on avait, une résidence secondaire sur la cour de Beaupré, et puis ça a fonctionné. On a voulu faire un peu dans ce petit centre d'achat-là, comme un outlet, si je peux me permettre l'expression, américain, donc des magasins par lesquels on voyage, oui, à l'intérieur, mais à l'extérieur surtout aussi, et qui, depuis de nombreuses années, est laissé à l'abandon, finalement, en friche comme ça. Puis la nature même, quand on regarde ce dessin plus particulièrement-là, on dirait que la nature commence tranquillement à reprendre un peu sa place. À travers l'abandon du projet, évidemment, tranquillement, il y a une nature qui s'installe. Mais je pense que cette idée de projet qui était initialement vue comme un progrès est vraie pour ce outlet-là, tout comme ça l'est pour l'ensemble du boulevard. Il y avait vraiment une pensée très optimiste en le mettant en place, puis une vision, une vision du progrès qui animait l'époque aussi, qui était présente. Donc, aujourd'hui, maintenant, on a ce décor-là, donc on a ce magasin qui est complètement abandonné. Qu'est-ce qu'on en fait à partir de ce point-ci? C'est certain qu'on peut se poser certaines questions là, sur le devenir du lieu, parce que somme toute, c'est un territoire qui est très beau, donc est-ce qu'il y a moyen de le revitaliser? Je suis certaine qu'il y a des gens qui se posent les questions puis qui y réfléchissent ardemment, mais concrètement, lorsqu'on y circule, parfois c'est troublant. Très, très, très, très troublant. Et il y a aussi cette série de grands dessins où là, on a une vue, oui, plus aérienne plutôt qu'au rez de la chaussée, si je peux dire. Et il y a ces grands plans-là qui sont en noir et blanc, alors que les autres dessins sont... Il y a un peu de couleur. Moi, ça me faisait même penser à de vieilles photographies argentiques là, de l'époque, là, des albumines où on venait rehausser de couleurs. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais il y a ces grands dessins-là qui viennent un peu amener une certaine dualité de couleurs. On est dans les noirs et blancs. Qu'est-ce qui... Et ça fait ressortir... Il y a une trame aussi au travers de ces dessins-là, un peu une trame sérigraphique presque, avec ces petits points-là qui nous rappellent la sérigraphie. Comment te traiter davantage ces grands dessins-là? Il faut savoir déjà qu'au départ, le dessin, c'est mon médium de prédilection. Je suis partie du dessin, j'ai fait de la gravure, j'ai fait un peu de peinture, je suis passée par bien d'autres disciplines, je dirais, reliées à l'image. Mais le dessin, ça reste un fondement très important. Puis la retenue du noir et du blanc, cette espèce d'idée d'aller à l'essentiel au niveau du signe, m'attire encore énormément. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de revenir à ce côté essentiel-là du dessin. Simplement le graphite et le support, et puis on laisse de côté tout le reste. Et puis dans ce cas-là, comme je parlais du territoire dans une perspective que je voulais plus photographique, plus figurative, ce qui n'a pas toujours été le cas dans mes productions antérieures, j'ai cherché une stratégie qui pourrait concorder un peu avec l'esprit que je souhaitais pour l'exposition. Et puis comme il y avait un regard que je voulais, oui, actuel, mais dans ma réflexion peut-être plus ouvert au niveau temporel, la trame est devenue une stratégie graphique qui m'a interpellée. Donc j'ai cherché comment procéder pour la réaliser, pour avoir cet effet-là. Une relation aussi peut-être au côté très systématique de la trame, comme un paysage qui est placé, qui est là, qu'on a normé, qu'on a mis à notre main, même si certaines maladresses qu'on observe, est-ce qu'on n'est pas dans la nature sauvage, on est dans une nature anthropocisée, parce que c'est enfin. Bref, une nature qui est plus celle des forêts de la côte nord ou qui est vraiment travaillée. Donc, pour moi, d'introduire une facture qui était elle aussi travaillée, normée, presque une grille, en fait, à travers ces points-là, c'était donner du sens un peu à l'image au-delà de sa simple présence là, comme figuration. Mm-hmm. Et ça vient aussi créer comme, pas un flou, mais quand même atténuer certains détails, mettre en lumière d'autres aussi. Je pense notamment à celle où on voit les bretelles de l'autoroute Félix Leclerc qui viennent s'ajouter au boulevard, là, qui vont se diriger vers le boulevard Sainte-Anne. Il y a vraiment aussi un beau jeu formel aussi sur le plan visuel avec ces images-là de vue aérienne aussi. Mais il y a toujours l'idée, et puis ça, c'est quelque chose qui m'interpelle constamment, l'idée de la composition. Donc, comment on organise l'image pour la rendre vivante, pour interpeller les gens ou pour créer un équilibre entre des zones où on veut nommer des choses, des zones où on veut juste simplement créer des silences. Donc, dans le cas de cette image-là, le fleuve est devenu un grand silence. Donc, il est absent et on concentre l'attention sur l'intervention humaine, la bretelle qui est très forte parce qu'elle prend place sur le fleuve. Donc, on est vraiment dans un remblai. On n'est pas du tout dans une zone qui est à l'origine le territoire tel qu'on pouvait le retrouver. Donc, pour cette raison-là, j'ai un peu effacé le fleuve, puis je n'ai porté mon attention que sur la bretelle, la route, les commerces aux alentours, donc ce que je pouvais cerner là, depuis les airs. Oui, exact. Et justement, on vient quand même, là, depuis tout à l'heure, on en parle, mais moi, ce qui m'a aussi marqué, c'est comment on sent la présence humaine au travers l'intervention sur le paysage, qui est, comme je disais, autant industriel, résidentiel, autoroutier. Mais il n'y a aucun humain dans ces images-là. Il n'y a aucune présence humaine physique, mais quand même, l'impact, l'empreinte de l'humain est tout à fait présent, justement, dans ces images-là. Moi, c'est ce que je trouve fascinant avec ce projet-là. Oui, bien, l'empreinte humaine, dans le cas des images vues des airs, se limite à des véhicules qui se promènent, évidemment, vu la distance. L'humain, comme individu marchant sur le trottoir, je pense, aurait eu l'air d'un simple point, donc vraiment absent. Et pour ce qui est des dessins, en fait, je voulais vraiment me concentrer sur les traces laissées par plein d'interventions humaines et non pas sur le mouvement actuel de l'humain. Ce ne sont pas les promeneurs cette fois-ci qui m'ont interpellée, ce n'est pas le boulevard comme un axe de déplacement, mais vraiment le boulevard comme la trace d'une multitude de différentes actions posées, éléments mobiliers, immobiliers posés aussi. Donc, pour cette raison-là, l'humain est effectivement assez absent de toute l'exposition. Oui, et vraiment, je pense que aussi l'humain est absent tout simplement de ce boulevard autre que dans son véhicule, parce que c'est pas un boulevard qui est très accessible aussi. Et ça souligne effectivement, en même temps, on le disait tout à l'heure, mais un besoin de se réapproprier le fleuve tranquillement. Il y a des initiatives, je sais, pour habiter la cour de Montbré qui tente d'être fait, notamment à l'Ange Gardien, on a installé un petit kiosque plus moderne avec une rampe d'accès vers le fleuve aussi. Ce sont de minces efforts et pourtant il y a de beaux territoires de conservation aussi, notamment, je sais, pour des canards, il y a un secteur vraiment Canard Canada qui est là, puis qui protège ces zones marécageuses aussi, parce qu'il faut dire, la côte de Beaupré, c'est aussi les oies blanches également qui vont se nourrir, c'est leur territoire également. Enfin, vraiment, la côte de Beaupré, c'est à la fois un milieu naturel qui est exceptionnel, mais c'est aussi un milieu patrimonial qui est extrêmement important au Québec. Et à la fois, c'est là où on observe différentes approches de l'urbanisme depuis les années 50 qui ont marqué de façon très forte l'espace. Donc, maintenant, c'est comment faire cohabiter tout ça de façon harmonieuse, puis donner la place que mérite chacun de ces aspects-là, et principalement peut-être le côté naturel qui serait à retrouver, à remettre de l'avant, et certains éléments du patrimoine qui sont déjà bien bien souligné, mais qui pourrait être encore plus valorisé probablement. Là. Oui, oui, effectivement. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir. Il y a deux œuvres qui détonnent, si je peux dire, par rapport au reste du corpus que tu nous proposes. Et je me demandais, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus, des œuvres, je pense, qui ont été faites plus récemment, où on y voit une image vraiment de nature, là, et également, on a de l'autre côté comme un semblant de texte, on pourrait dire ici, un texte... Je trouvais pas illisible, mais je veux dire un texte avec un langage inconnu en quelque sorte. Donc, je t'intriguée que tu nous parles de ces deux pièces-là. Il y a cette pièce-là, effectivement, qui est un peu en dehors du, mm-hmm. du corpus qui prend la majorité de l'espace de la galerie. Ce projet-là est initié avec un échange avec Vue PACA. Okay. En France. Et dans le cadre de ce projet-là, en fait, je me suis amusée à recréer de façon totalement numérique des paysages, mais qui peuvent sembler complètement emblématiques. Donc, l'exemple exemplaire d'une forêt ou dans laquelle on pourrait se perdre, ou celui d'une montagne, des espèces de grands schémas assez universels de paysages. Donc, ces paysages-là sont factices dans les faits, même s'ils semblent très figuratifs et on a l'impression qu'on pourrait s'y promener, s'y oui. projeter. Et sur la droite, peut-être de façon indicielle, j'ai laissé des fragments de la version texte, si tu veux, de ces images-là, mais en superposition. Donc, ça devient un langage codé, très informatique, oui, mais avec tellement de superpositions de ce texte-là qu'il en est illisible. Donc, c'est vraiment un jeu, en fait, sur cette notion de paysage réel, d'interprétation du paysage, de représentation. Donc, voilà. Eh bien, c'est vraiment très, très intéressant parce que ces pièces-là, on arrive et on se questionne justement quand on les regarde. Eh bien, Evelyne Bouleva, cette exposition en paysage est jusqu'au 22 novembre, je 12 crois. 12 novembre. Du 12 novembre, parfait. Oui. Alors, ah oui, effectivement, 12 novembre à la galerie Lacerte Art Contemporain. Merci beaucoup d'avoir ça été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Et d'avoir pris tout ce temps, vraiment une exposition que je vous invite à aller voir, chers auditeurs, parce que ça vaut vraiment le détour. Alors nous, on s'en va pour une courte pause audio et je vous reviens avec l'agenda de la semaine. Alors, on va faire un survol des événements de la semaine, comme à l'habitude. Et ce mercredi, chez Engram, je vous invite vraiment à faire le détour. Il va y avoir, à partir de mercredi, les habitants de la nuit de Isabelle de Mers, une exposition très, très courte, hein, du 18 au 21 octobre, mais le 19, donc on dit jeudi à ce moment-là, il y a à partir de 17h le lancement de la publication qui accompagne cette exposition-là, donc Les habitants de la nuit, une magnifique création, un livre d'artistes dans lequel on peut découvrir des œuvres d'Isabelle Demers qui travaille bien sûr avec des éléments de la nature, des pyrogravures notamment qui sont présentées ici à l'intérieur de ce magnifique livre qui est tout dans les tons de vert, d'un vert forêt et qui est accompagné de textes notamment de Maude Veilleux ainsi que de Jeanne Couture. Un magnifique graphisme aussi de Critérium ici qu'il faut souligner. Donc un livre qui est édité à seulement 250 exemplaires et qui a été fait grâce à la mesure d'aide à la publication de Première Ovation. Vraiment, allez faire un petit tour, justement, à compter de mercredi, voir l'exposition, mais aussi jeudi 19 octobre pour aller voir cette fameuse publication-là qui est magnifique et en salle exposition, on va pouvoir voir des lithographies de l'artiste qui vont être présentées. Sinon, ce jeudi, il y a, dans le cadre du programme de conférence de la Galerie des arts visuels, on nous propose une rencontre avec l'artiste Rose-Marie Goulet, intitulé « L'action des mots dans la vie, dans la ville ». C'est une artiste qui œuvre dans le domaine de l'art public depuis plus de 30 ans et elle va traiter donc de ses différents projets d'art public qu'elle a placés justement un peu partout au travers du Québec. On peut penser notamment à l'œuvre qui orne le Centre des congrès Monument pour A ou également elle a également aussi fait une œuvre commémorant la tragédie à l'école de Polytechnique. Et il y a également une de ses œuvres ici à Québec dans le foyer de la musique du Palais Montcalm. Donc, cette rencontre avec l'artiste est à 16h30 au local 3153, la salle critique de l'École d'art de l'Université Laval. C'est au 295 boulevard Charest-Est. Également, ce jeudi, vernissage de l'exposition collective Casse-tête territoriale à l'espace Galerie Pêche Sherpa, c'est sur le boulevard Charest-Est, bien sûr. C'est des œuvres, 72 artistes qui participent à cette exposition à l'espace galerie. Et c'est des œuvres des membres de l'atelier Presse-Papier de Zocalo, l'atelier de Lille, l'atelier Glypto de Pêche et d'Engram. Donc, on va pouvoir découvrir au travers de ça. Et c'est des œuvres qui vont être amenées à être en interaction les unes avec les autres pour produire un grand territoire habité. Et c'est une exposition qui va pouvoir s'agrandir, se moduler par la suite et qui va voyager. Alors, à ne pas manquer ce jeudi. Sinon, c'est la dernière semaine pour voir jusqu'à vendredi l'exposition Retour à la surface d'Iris Lindsay présentée à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Et vous avez jusqu'à dimanche pour voir Compassion de Paula Murray à Materia, Chute de Geneviève Chartrand, la Galerie des arts visuels, Embourgeoiser le sauvage de Sarah Thibault, ainsi que l'exposition de Kaël Mercader à Regard, les expositions Inscape de Carole Bernier et Le temps du paysage d'Hélène Dorion à la Galerie Michel Guimond. Alors voilà, donc c'est un petit survol que vous pouvez, que l'on peut faire ici. Et je terminerai cette émission en vous invitant bien sûr à consulter notre page web l'aérospatialecrl.wordpress.com et également à nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. Un grand merci à notre chroniqueuse Lauriane Thibodeau ainsi qu'à ses invités Joséphine Villot, Marit Katriner et également à mon invité Evelyne Boulevard d'avoir été parmi nous ce soir. Un grand merci aussi à Jacques Gignac à la mise en onde de cette émission, notre Marcel Ferron de la console. La semaine prochaine, on vous parle des expositions Adieu la photographie qui est présentée à la maison Amel Bruno, Nouveau développement de Sébastien Cliff. Friche, Haut-Lieu et Résidence. On va parler de la résidence nomade aussi avec des artistes qui ont participé. Donc, demeurez à l'écoute car de l'autre côté de la pause, Pierre Blais et toute son équipe vous attendent pour discuter cinéma à l'émission Situation Critique qui est en direct de Nanine Kazi. Et quant à nous, on se dit à la semaine prochaine, 17h30. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour une troisième année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec. Antitube, la Maison des femmes de Québec, salle Albert Rousseau, l'Association pour la défense des droits sociaux, Québec Métro. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. En octobre, voyez au cinéma Le Clap, Blade Runner 2049 dès le 6 octobre, 120 battements par minute dès le 13 octobre, Les Affamés dès le 20 octobre, Pieds nus dans l'aube dès le 27 octobre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! La bande vidéo célèbre. Depuis 40 ans, le Centre produit et présente des œuvres d'art vidéo indépendantes, sensibles, originales, troublantes. Créées à Québec dans des studios professionnels et qui voyagent partout dans le monde. Au menu cette année, des primeurs et des souvenirs retrouvés de Jocelyne Alloucherie, Jean-François Côté, Boris Friquet, Ricardo Troggi, Francis Desharnais et plusieurs autres. Rendez-vous sur labandevideo.com et dans notre galerie sur la côte d'Abraham à la coopérative Méduse. OK, vas-y. Pose-moi une question, là, n'importe laquelle, je vais être la plus honnête du monde. OK. C'est quoi ta plus grande peur? Je suis claustrophobe. Qu'est-ce que t'aimes le plus au monde? L'espace, le cosmos. Ça me donne le vertige, mais un beau vertige. Je sais pas pourquoi, mais ça me rassure. Nerd! Qu'est-ce que t'as eu le plus? Le monde trop pissou pour dire la vérité en face. Et qu'est-ce que t'es venu faire ici? Je te parle, là. Ici, en Islande, niaiseux. Je suis venu mourir. Hippo, présenté au Théâtre Premier Acte du 10 au 28 octobre. Le 21 octobre à l'Impérial Belle, entrez dans l'univers de Philippe B. Une maison qui s'endort et un garçon qui s'enfuit. Son cœur éclate sans faire de bruit. Pilier de la musique d'auteur, Philippe B propose des chansons riches et uniques. Un mélange de folk aux sonorités ambiantes intrigantes et une soirée mémorable. Pourquoi tu fermes les yeux? Bien en vente à impérialbelle.com. Quand tu me dis que tu m'aimes. Une présentation de 3E en collaboration avec CKRL. Chaque mois, la soirée d'humour au Rideau Rouge animée par Raphaël Bolduc présente des humoristes établis et de la relève. Le 25 octobre prochain dès 20h, voyez Simon Delisle en programme principal, précédé de Francis Papineau en première partie et Guillaume Baron à la chronique. 10$ à la porte. Plus de détails sur la page facebook.com/humour au rideau. Imaginez une ville minière au fin fond de la Sibérie, où les vents arctiques et la fumée toxique des usines est le décor de votre quotidien. Enterrés sous la glace et la censure se trouvent des adolescents qui rêvent d'exil, des travailleurs qui évoquent avec nostalgie la camaraderie soviétique perdue, des descendants de prisonniers du goulag et des artistes de théâtre qui cherchent à mettre de la lumière sur le sombre passé de Norilsk. Sur la lune de Nickel, en salle au Cinéma Quartier dès le 20 octobre. Le premier jardin d'Anne Hébert. Ce livre-là, je l'ai lu, j'avais 17-18 ans dans le jardin, chez nous, chez mes parents. Et je lisais ce livre. Tu sais, comme quand on lit un livre qui se passe à Paris, puis qu'on se dit « Oh mon Dieu, que ça a de l'air beau, puis je vais y aller un jour. » Mais là, j'avais ce feeling-là, mais ça se passait chez nous. Puis à un moment donné, j'ai fait « Mais j'ai juste à prendre le bus pour aller sur les lieux qu'elle me raconte. » Et j'ai trouvé ça fascinant de me rendre compte qu'on pouvait raconter nos lieux. Écrire Québec. C'est peut-être l'inventer aussi. C'est pouvoir... raconter ce qu'elle est, mais aussi ce qu'elle peut être, ce qu'elle peut devenir, le rêve qu'on en a, ce qu'on veut en faire de cette ville-là. Marie-Hélène Vaugeois, libraire. Ça a été ma garderie. Finalement, après l'école, j'allais à la librairie pour me faire garder par ma mère et par les livres. Le Festival Québec en toutes lettres, Écrire Québec, du 21 au 29 octobre. pour une fois, je me rendais compte que on était nous-mêmes une fiction, finalement, et un personnage dans notre ville puis dans le lieu où on habite. En direct de la Ninkasi Saint-Jean, voici Situation critique. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Une présentation du cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. En octobre, voyez au cinéma Le Clap Blade Runner 2049 dès le 6 octobre, 120 battements par minute